Je le savais. Eureka. 86 000 km et 1080 jours, c'est le temps et la distance qu'il aura fallu parcourir pour écrire une légende, celle qui tient en un nom, Magellan. Par la découverte en 1520 du passage au sud de l'Amérique latine vers le Pacifique, Magellan a ouvert la porte, avant qu'elle ne se referme brutalement sur lui, du premier tour du monde par voie de mer. De ce voyage qui reste mythique, peu de témoignages directs nous sont parvenus, à l'exception d'un journal de bord et de rares récits de survivants. Alors, qui a fait le tour de quoi ? Et comment ? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Magellan, tour et détour du monde, c'est l'itinéraire semé d'embûches que nous vous proposons pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour parler de cette expédition, j'ai le plaisir d'être en studio aujourd'hui avec Romain Bertrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'Asie du Sud-Est, directeur de recherche à Sciences Po et auteur aux éditions Verdier de Qui a fait le tour de quoi ? L'affaire Magellan. Nous sommes également en ligne avec Michel Chandaigne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur, fondateur de la librairie portugaise à Paris et spécialiste de l'histoire de Magellan. On vous doit notamment la publication du Voyage de Magellan, la relation d'Antonio Pigafetta du premier voyage autour du monde. Et pour commencer cette émission, je vous propose qu'on se plonge un petit peu dans l'ambiance du temps des caravelles. Au temps des caravelles, la conquête avait un goût de sel. Il fallait embarquer et traverser des espaces inconnus. Mille périls et mille incertitudes avant d'aborder les terres nouvelles. Au temps des caravelles. Folie des rêves accomplis, l'appât de l'or et des épices mua en esprit de conquête le désir de savoir. Les conquérants laissent toujours dans leur sillage un parfum de viol, de pillage et de mort. Voilà, on se plonge directement dans le bain, Romain Bertrand, de ce temps des caravelles. Et on va commencer avec un péril pour vous en tant qu'historien. Et on va débuter par une difficulté. On va essayer de présenter ce personnage Magellan. Quelle est la difficulté première pour vous en tant qu'historien quand on parle de Magellan ? La difficulté première, c'est que Magellan, c'est irrévocablement toujours déjà sa propre légende. C'est très dur... d'essayer tout simplement d'écrire la biographie de l'individu historique en faisant comme si on ne savait pas quelle place la légende lui avait par la suite dans notre mythe européen des origines de la modernité, donc quelle part la légende ou quelle place la légende lui avait assignée. Il y a également, et c'est ça la première difficulté, on pourrait dire technique de l'enquête, un gouffre entre ce nom Magellan, quoi, qui claque au vent, en tout cas dans nos imaginations, l'absence quasi totale de documents concernant la première partie de sa vie, donc son lieu de naissance, son enfance, son adolescence, avant que Magellan finalement ne devienne le grand découvreur qu'il est resté pour nous, les documents, et en particulier les documents autographes, c'est-à-dire ceux que l'on peut raisonnablement estimer avoir été écrits ou signés de sa main, sont en quantité infinitésimale et littéralement se comptent sur les doigts des deux mains. Alors Michel Chandaigne, si on essaye malgré tout de faire la carte d'identité de ce Magellan, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bon, aussi, c'est un Portugais qui s'appelle Magalhães en portugais. Il est issu de la petite noblesse du nord du Portugal. On ne connaît pas sa date de naissance. On dit 1480, mais c'est une estimation tout à fait... plausible, enfin, qui ne repose sur rien. En revanche, on connaît depuis peu son lieu de naissance. Pendant des années, on ne savait pas trop, et les derniers travaux de José Manuel Garcia et de Juan Ril ont sorti des pièces d'archives qui laissent penser maintenant qu'il est vraiment... sa famille est de Porto, et il est né à Porto. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Après, bon, il a son éducation, on ne sait trop rien. On dit qu'il a été élevé à la cour de la reine Léonore, mais bon, c'est sur la foi d'une indication très tardive. Toujours est-il que après, on ne sait rien jusqu'à son départ pour les Indes en 1506. Parlons-en justement de ce départ. Romain Bertrand, que va-t-il faire vers les Indes Magellan au début des années 1500? Magellan embarque en 1505 sur l'une des très grandes flottes armées par la couronne de Portugal pour prendre possession d'un certain nombre de lieux dans l'océan Indien et le long des côtes de l'Inde. C'est le moment où le Portugal bâtit ce qu'il appellera d'ailleurs pompeusement l'État des Indes, mais qui n'est qu'une guirlande de forteresses égrenées le long des côtes de l'océan Indien. Et Magellan embarque, alors s'il est de naissance noble, c'est en tout cas en étant issu de la toute petite noblesse, puisqu'on le trouve sous le grade de sobresaliente, qui veut dire tout simplement supplétif ou surnuméraire. Donc ça n'est pas un grand capitaine, hein, c'est un soldat parmi d'autres, et plutôt donc disons d'un grade extrêmement inférieur, et il va concrètement pendant des années, et bien jusqu'en 1511, jusqu'à la fin de l'année 1511, servir comme soldat portugais aux Indes et prendre part à un certain nombre de batailles. Alors là aussi, les documents ne nous permettent pas toujours de le situer très exactement. Il a probablement pris part à la bataille de Diou, probablement part à la bataille qui permet aux Portugais de conquérir la ville de Goa, qui deviendra leur quartier général en Asie. Et en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il a pris part à la conquête du sultanat malais de Malacca en août 1511. Qui sont les forces en présence à ce moment-là dans cette région du monde qui est méconnue? Il y a beaucoup de forces en présence et il y a surtout des pouvoirs qui sont militairement et politiquement incomparablement plus puissants et plus installés que les Portugais. Il y a une ribambelle de principautés et puis peu à peu un pouvoir moghol qui va émerger dans le centre nord de l'Inde. Il y a de puissantes influences qui viennent aussi de la péninsule arabique et qui accompagnent un mouvement d'islamisation de l'Asie du Sud-Est. Et puis il y a dans ce monde archipélagique de l'Asie du Sud-Est, où Magellan in fine pénétrera lors de sa propre expédition par le Pacifique, par les Philippines, il y a là une ribambelle de petits états côtiers qui sont déjà à cette époque, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, des sultanats, donc des pouvoirs politiques musulmans. Il y a en fait tout un monde dans lequel les Portugais ne font que pénétrer et s'établir comme des présences, on pourrait dire, interstitielles. Parasitaire, ouais. Michel Chandaigne, Magellan, durant son premier séjour dans cette région du monde, il fait une rencontre assez importante pour la suite, c'est celle d'un certain Francisco Serrao. Alors, qui était cette personne-là et quel rôle a-t-il joué dans la volonté de Magellan de revenir ensuite dans cette région? Oui, c'est un personnage important de l'histoire, parce qu'on sait qu'il s'embarque avec lui en 1505, en effet, et qu'ils vont devenir amis. Et il y a un épisode qui est narré par un chroniqueur où, lors du premier siège de Malacca, où Magellan est aussi présent, 1509, je crois, il sauve son ami Francisco Serrao, qui est blessé, qui est à terre, et il va le chercher au péril de sa vie. Plus tard, quand Magellan va revenir à Malacca avec Francisco Serrao, il va se passer quelque chose d'encore plus important, c'est que Francisco Serrao va s'embarquer sur la flotte de Antonio de Abreu, qui est envoyé par Albuquerque pour aller explorer les îles de la Sonde jusqu'aux îles de Banda et peut-être jusqu'aux Moluques. Et Francisco Serrao va arriver à Banda, aux îles de Banda, là où pousse la noix muscade, et au retour, il va le faire naufrage, et à la suite de plusieurs péripéties, il va se retrouver aux îles Moluques, aux cinq petites îles Moluques, où pousse en exclusivité mondiale le girofle. Et il va y rester, il va être le premier Portugais, européen et portugais, à arriver à ces petites îles Moluques, qui vont prendre une très grande importance. Et de ces îles, il va écrire à Magellan, qui semble-t-il, la chose est discutée, est resté à Malacca. Les derniers travaux de Garcia montrent que peut-être il a participé lui aussi à cette expédition vers Banda, mais ça c'est beaucoup moins sûr. Ce qu'il est sûr, ce dont on est sûr, c'est que Francisco Serrao a écrit des Moluques, des lettres à son ami Magellan et lui demande de venir, dit que ce sont des îles paradisiaques, D'ailleurs, Francis Cosseron va y prendre femme, va devenir conseiller du souverain de la petite île où il est arrivé, et il vante, il lui demande vraiment de venir le rejoindre. Et cette amitié, cette correspondance, va jouer un rôle très très important dans la décision de Magellan de retourner aux Moluques, mais cette fois-ci par l'autre voie, par l'ouest. En 1512, Magellan rentre au Portugal. L'année suivante, Romain Bertrand, il est envoyé au Maroc. Il est blessé. Ça a son importance dans toute l'histoire qui va suivre. Alors, on va commencer peut-être par l'histoire immédiate après cette blessure. Pourquoi ça a une importance pour notamment le passage de Magellan vers l'Espagne? Voilà, effectivement, dès son retour au Portugal, eh bien, Magellan continue à faire ce pour quoi il est payé. C'est un guerrier. C'est un guerrier. C'est-à-dire, il faut insister là-dessus. C'est pas un cosmographe en chambre, ça n'est pas un homme qui vit de curiosité et d'eau fraîche, hein, c'est un guerrier professionnel, et donc il est envoyé avec d'ailleurs l'essentiel de l'armée portugaise prendre part à la bataille d'Azemmour sur les côtes marocaines, et il est effectivement blessé au cours de l'un des assauts, de l'une des chevauchées. Il est blessé à la jambe, et puis il perd dans cet épisode l'un de ses plus beaux chevaux, l'une de ses plus belle monture, dont il va demander, dans une lettre d'ailleurs écrite d'un ton assez sec, à la fois remboursement et récompense, donc auprès du souverain portugais de Manuel Ier. Et il semble que le souverain portugais n'ait pas accédé à cette première requête, et un chroniqueur nous dit que à son retour à Lisbonne, eh bien Magellan se présente en personne devant le roi au palais, et fort de ce qu'il a enduré sur le champ de bataille, eh bien, demande au souverain d'élever, hein, d'augmenter sa pension, puisqu'il était, comme tous les soldats, pensionnés de la maison du roi, d'une somme d'ailleurs qui peut paraître assez infinitésimale, et à nouveau le souverain refuse. Mmh. Colère de Magellan, qui, nous dit toujours ce même chroniqueur, eh bien, claque littéralement la porte de la chambre du roi, déchire son brevet de prise en charge par la couronne, et en tout cas sous la plume de ce chroniqueur et d'autres par la suite, eh bien c'est le moment qui décide de la destinée espagnole de Magellan, qui décide de quitter le Portugal et d'aller chercher ailleurs. Et alors bon, comme beaucoup d'exilés portugais, eh bien le royaume qui les accueillait, c'était le royaume voisin, c'est-à-dire le royaume de Castille, l'Espagne. Michel Chandaigne, vous souhaitiez compléter ce que disait Romain Bertrand? Oui, cette histoire de, il n'y a pas que le cheval au Maroc, il est aussi pris dans une histoire de trafic de bétail très louche, très bizarre. Ça reste un soldat quand même. Oui, mais il est impliqué, et cette histoire va le suivre, et je pense que ça va beaucoup compter dans le fait que sa pension ne va pas être augmentée, en disant qu'il semble avoir commis une faute ou non, mais enfin les services royaux le pensent. Et on peut dire que sa carrière militaire est bloquée au Portugal. Il n'a pas d'avancement, et ça va compter beaucoup dans sa décision d'aller servir un autre souverain. D'aller trahir d'une certaine façon sa couronne. Romain Bertrand, Magellan arrive dans une ville qui vous est chère comme elle m'est chère, c'est Séville. On est en octobre 1517. Est-ce qu'on peut décrire cette ville-là à ce moment-là de l'histoire? À quoi ressemble Séville à ce moment-là? Oui, Séville, dans les années 1510, c'est, ou en tout cas, cela commence à devenir une ville-monde. C'est la ville des marins, des gens de mer, hein, donc marins, capitaines, armateurs. Beaucoup de chroniques de l'époque dépeignent Séville comme le gigantesque entrepôt des âmes, dans le double sens du terme, c'est-à-dire que c'est là qu'arrivent les richesses des Indes, qui sont encore très modestes pour l'Espagne à cette époque, avant la conquête du Mexique. Et puis c'est là qu'on trouve tous les professionnels des navigations lointaines. Et ces hommes étaient la plupart du temps non seulement espagnols, mais également portugais, aussi bien provenaient des pays germaniques, on y trouve quelques Français, on y trouve d'aventure des Irlandais, donc c'est des Grecs aussi, donc une ville extrêmement cosmopolite. Et ce qu'il faut indiquer tout de suite, c'est que la légende de Magellan a tendance à dépeindre Magellan arrivant à Séville comme une sorte de pauvre exilé solitaire qui arrive en n'ayant que son rêve en poche. Et alors évidemment, on a du mal à comprendre comment en l'espace de 18 mois, il peut convaincre le roi d'Espagne de monter une entreprise aussi considérable que son expédition. La vérité est un peu probablement différente, puisqu'on voit que sitôt arrivé à Séville, en fait, Magellan s'insère dans un milieu d'exilés politiques portugais extrêmement puissant et qui est en fait un réseau lié à la maison de Bragance, à cette branche de la maison de Bragance qui avait eu maille à partir avec la nouvelle dynastie d'Avis portugaise. Et il est en particulier soutenu par un puissant personnel, Jorge de Portugal, qui est l'un des favoris du roi d'Espagne et qui l'accueille littéralement à bras ouverts. Et donc Magellan, lorsqu'il arrive, en fait, bénéficie, on pourrait dire, d'un réseau d'intérêts et d'alliés de gens qui tous, pour une raison ou une autre, ont eu maille à partir eux aussi avec le roi, Manuel Ier. Parmi ces personnages, Michel Chandaigne, qui gravite autour du Magellan fraîchement arrivé à Séville, il y en a un qui s'appelle Ruy Faleiro. Pourquoi ce personnage-là a eu aussi une importance capitale dans le départ de Magellan dans son expédition devenue légendaire ? Magellan arrive en Espagne fort de son expérience de soldat aux Indes, mais aussi avec des connaissances cartographiques et cosmographiques, mais il a besoin de, disons, d'une caution, et Ruy Faleiro fait partie des cosmographes portugais en vue, réputés. Le personnage va s'avérer très fantasque et peu digne de confiance, mais c'est un peu la caution scientifique de Magellan. Et il ne va pas être seul, hein. Les deux grands cartographes royaux vont lui succéder, Pedro Reynel et son fils Jorge, et qui vont faire partie vraiment du staff de Magellan pour convaincre le roi et surtout la Casa da India de l'importance et de la qualité de son projet. Sur quelle base, Romain Bertrand, se fonde Magellan, Ruy Faleiro, pour aller convaincre le roi d'Espagne de trouver une voie vers l'Asie par l'Ouest? Et pourquoi l'Espagne cherche à trouver un passage par cet itinéraire-là? Ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que d'une certaine manière, Magellan, ou en tout cas le projet de Magellan, c'est un peu le visiteur du soir. C'est-à-dire qu'il arrive quand tout est déjà en place pour que des intérêts convergent, coalescent et permettent que l'expédition ait lieu. C'est-à-dire des gens qui venaient proposer à tel ou tel souverain d'Europe telle ou telle navigation lointaine, il y en avait évidemment pléthore. Mais Magellan vient à un moment où un certain nombre d'intérêts économiques et financiers espagnols, c'est-à-dire la grande bourgeoisie commerçante en particulier de Burgos, qui était par l'entremise du facteur de la Casa de Contratación Juan de Aranda, très proche également de l'entreprise des Indes dans son ensemble, eh bien cherche à prendre pied en Asie. Et le contexte est le suivant: depuis le traité de Tordesillas signé en 1494, et dont vous savez qu'il partage d'une certaine façon le monde en deux sphères d'expansion, eh bien le Portugal, lui, a largement tiré son épingle du jeu. Il a découvert les côtes de l'Afrique et depuis les côtes de la Guinée, eh bien importe des esclaves de l'ivoire. Il a pénétré dans l'océan Indien, s'est assuré des bases territoriales sur la côte de l'Inde et puis il a maintenant mis pied sur les îles aux épices. Et donc le Portugal tire de ce que lui a concédé le traité de Tordesillas des richesses considérables. Mais il n'en est évidemment pas de même à l'époque pour l'Espagne, puisque le Mexique n'a toujours pas été découvert, encore moins conquis. Et bon, voilà, passé l'exploitation des Antilles, dont la force de travail d'ailleurs dépérit littéralement, eh bien l'Espagne, d'une certaine manière, peut considérer qu'elle est la perdante du traité de Tordesillas. Donc arrive Magellan, qui lui dit, eh bien voilà, tout simplement, je pense qu'il existe une manière de se rendre en Asie, et donc d'aller rafler les épices au nez et à la barbe des Portugais, sans pour autant enfreindre les clauses de Tordesillas, c'est-à-dire sans passer par la circumnavigation des côtes de l'Afrique et la traversée de l'océan Indien, ce qui serait une violation du traité, ce serait pénétrer dans ce que l'on appelait la démarcation des Portugais. Il est d'autant plus écouté que tout cela, tous ces intérêts, toutes ces attentes sont déjà présentes. Voilà. Je le dis parce qu'à nouveau, la légende a fait de Magellan le héros solitaire qui convainc les yeux dans les yeux un souverain. On sait que les choses ne se sont pas passées comme ça, qu'il y a eu beaucoup de tractations commerciales, beaucoup d'intermédiaires financiers pour mettre sur pied une expédition qui sera d'ailleurs très largement financé par des intérêts privés. Il a donc fallu parler boutique et convaincre d'abord des banquiers avant que, tout simplement, eh bien, d'avoir l'oreille du roi. Et finalement, le roi approuve ce projet le 22 mars 1518. Et il nomme Magellan et Ruffalero capitaine généraux de l'expédition, cette expédition étant censée trouver une route entièrement espagnole menant aux Moluques. À vos ordres. Sud, sud-ouest. À deux quarts par tribord avant. Je vous l'avais dit. Rifloura, qu'on jette la chance. Et puis... France Culture, Eureka, Antoine Beauchamp. Une fois ce projet approuvé par le roi d'Espagne, il s'agit à présent de faire les préparatifs. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter cet extrait d'une fiction radiophonique. Ça s'appelle Le Voyage de Magellan et c'était en 1949. Pendant les mois ardents de l'été de Séville, il allait en boitant parmi ses vaisseaux, organisant son destin et sa gloire. Mais avec chaque cordage qu'il vérifiait, c'était son linceul qu'il préparait. Et pour chaque marin grognon qu'il embarquait, il savait qu'il serait son bourreau. Cependant, silencieux, fiévreux, il allait disposant chaque syllabe de son destin, pesant, mesurant nos vivres et notre équipement, et nous préparant pour les mers inconnues. Aucun homme ne connaissait l'immensité de son rêve. Mais si tu avais vu les vivres s'accumulant dans nos vaisseaux, tu aurais vu, mendiant, qu'il n'était pas question d'un voyage ordinaire. 2000 quintaux de biscuits. 47 quintaux d'huile. 57 quintaux de cochon séché. Une tonne de pois chiches, haricots et lentilles. 250 chapelets d'ail. 500 muits de vin de Kérès. 200 barils d'anchois. 200 douzaines de poissons séchés. 984 fromages. 7 vaches et 2 cochons. 16 tonnes de figues. 12 quintaux d'amandes. 54 seaux de miel. 3 jarres de capres. Et des raisins secs, du sel, de la moutarde. Des remèdes, des onguents, de l'eau distillée. Oui, nous étions bien chargés. Remplis jusqu'au pont de victuailles et d'assez de vivres et de vin pour faire de nos corps de molles proies pour la famine. Nous avions de la viande pour jusqu'à la limite du monde connu. Ensuite, en atteignant les terres inconnues, nous devions trafiquer avec les indigènes. Tel était le projet de notre capitaine, et c'est pourquoi nous emportions aussi toutes sortes de verroteries, d'étoffes et de marchandises. 30 pièces de bonnet étoffe teinte. 150 quintaux de vif argent, de vermillon et d'alun. 200 bonnets rouges en fer. Voilà les 5 navires, la Trinidad, la Victoria, le Santiago, la Concepción et le San Antonio, prêts à partir bien chargés. Romain Bertrand, comme on vient de l'entendre. On peut parler quand même de l'équipage qui part avec Magellan. De qui se constitue-t-il? Il y a quand même 235 puis 242 hommes. D'où venaient-ils? Bien, comme nous l'avons rapidement dit tout à l'heure, ils étaient issus de cette société sévillane des gens de mer qui était très largement cosmopolite. Donc il y a là quelques Français, Bretons et Normands. Il y a un chef canonnier, Hans, qui vient des pays germaniques, probablement de Thuringe. Il y a des Grecs, dont un pilote expérimenté, Francisco de Albo. Et puis il y a une pléthore d'hommes, portugais et espagnols, qui viennent des villages d'Andalousie, de Mousse, Francisco et Martin, recrutés donc dans un petit village frontalier entre les deux royaumes. Des hommes qui viennent d'un peu tous les villages, à la fois de la côte d'ailleurs et de l'arrière-pays, étant entendu qu'il a été en fait extrêmement difficile de garnir et de clore les rôles d'équipage. On a eu du mal à trouver des hommes, parce qu'il s'agissait d'une entreprise dont Magellan ne souhaitait pas révéler tous les détails, dont l'on voyait bien par le tonnage des navires, la quantité de vivres embarqués, qu'il s'agissait d'une navigation très lointaine. Mais évidemment, tout cela ne donnait pas forcément envie de faire partie d'un voyage dont on ne connaissait pas la destination finale. Il a fallu aller crier dans les villages lointains pour recruter jusqu'au dernier moment des hommes, avec en plus de la part de la couronne d'Espagne la volonté de limiter le nombre de Portugais à bord des navires, puisque c'est là où s'insinue le conflit politique qui va émailler la première partie de la traversée. Évidemment, personne n'oublie, parmi les capitaines espagnols dont la couronne flanque Magellan, que celui-ci est un Portugais et qui plus est un transfuge, c'est-à-dire après tout un homme qui a déjà trahi un roi. Il y a donc beaucoup de suspicions. Michel Chandaigne, dans cet équipage, il y a une autre figure qui vous importe beaucoup et qui a importé beaucoup à la transmission de la légende Magellan, c'est Antonio Pigafetta, qui était ce jeune Italien embarqué aux côtés du héros, pas encore héros, Magellan. Oui, Antonio Pigafetta fait partie des 26 Italiens embarqués. Et lui, il est très différent de tous les autres. Il l'écrit lui-même, c'est un jeune patricien de Vicence, un homme qui vient dans la suite du grand maître de l'ordre de Rhodes, et il monte par curiosité, dans une démarche qui est très moderne, très nouvelle, Il dit aussi qu'il espère tirer quelques gloires de ce récit, s'il peut le raconter à son arrivée. Et ça va être un personnage très important, parce que d'abord, il va revenir, il fait partie des survivants, et il a livré un des plus beaux récits de voyage de cette époque, et qui a participé très grandement à la légende de Magellan et à l'intérêt que nous avons pour ce voyage depuis 5 siècles. Donc c'est vraiment un récit littéraire qui se démarque de tous les récits de l'époque. Et donc on parlait de l'équipage, hein, c'était notre travail de les dénombrer et bien de les repérer. J'ajouterais qu'il y avait 19 Français, hein, dont 5 Bretons, hein, qui n'étaient pas tout à fait Français à l'époque, et en effet 9 Grecs et seulement 31 Portugais. Et les Espagnols, les nations espagnoles faisaient quand même une petite majorité de l'équipage. Cette expédition, elle s'élance donc le 20 septembre 1519. Il s'agit de traverser l'Atlantique, qui est plutôt un océan connu pour ses marins. Romain Bertrand, vous le disiez tout à l'heure, là il y a déjà un contrôle qui s'exerce par les autres capitaines espagnols vis-à-vis de Magellan, parce qu'ils ont peur finalement d'avoir affaire à un contre-traître, à un agent double, on va dire. On va passer sur cette traversée de l'Atlantique qui se passe relativement bien, même s'il y a des conditions climatiques ardues, des capitaines qui râlent un petit peu après Magellan. On arrive en Amérique latine et là commencent un petit peu les ennuis. Oui, commencent les ennuis, ou en tout cas vous voyez, toute cette mythologie aussi de la traversée de l'Atlantique et qui serait en fait le saut dans l'inconnu, alors qu'en fait, eh bien, les équipages de Magellan arrivent dans la baie de ce qui est aujourd'hui Rio de Janeiro, où vivent déjà installés depuis plusieurs années des colons portugais, puisque s'est organisé un trafic de ce que l'on appelle le bois Brésil, qui est un bois tinctorial que l'on utilise pour teindre des étoffes. Et donc, en fait, tout cela est a priori très connu, en fait, paradoxalement. Mais c'est la première rencontre, et c'est là où le récit de Pigafetta effectivement prend tout son sens et toute sa valeur. C'est la première rencontre avec des humanités distantes, c'est-à-dire des représentants de tribus indiennes, probablement du groupe ethnolinguistique Tupinamba, que Pigafetta décrit, dont il décrit les parures. Alors il le fait dans des termes qui sont à la fois extrêmement charitables, c'est-à-dire en essayant de comprendre et de connaître dans le détail ces mœurs nouvelles. Il le fait parfois aussi avec tous les préjugés de l'anthropologie chrétienne et politique de son temps, en trouvant par exemple parfaitement ridicule un certain nombre des parures dont il se saigne. Voilà, donc c'est là où effectivement il y a cette modernité presque quasi ou pré-ethnographique de Pigafetta, mais toujours habité aussi de cette idée, et c'est ça qui va se transformer au fil du voyage, cette idée que l'Europe est cet îlot ou isola de civilisation qui s'en va visiter et découvrir en fait des petits atolls de barbarie ou de sauvagerie. Alors ça tient encore au Brésil, ça tiendra encore en Patagonie, mais une fois arrivé en Asie, eh bien en tout cas ce fil rouge-là ne se rompra. Oui. Michel Chandaigne, une fois l'Atlantique traversé, Magellan et son expédition commencent à longer les côtes d'Amérique latine, et à quel moment ils se rendent compte que finalement le détroit n'est pas si facile que ça à trouver ? À l'époque, l'exploration du Rio de la Plata n'était pas achevée. Et on voit très bien dans les textes que Magellan imagine que peut-être il y a un passage au niveau de Rio de la Plata, dans certaines cartes l'exprimer, et il va passer quand même 3 semaines à explorer le Rio de la Plata, dans l'espoir quand même de trouver un passage. Il en fait l'exploration complète, et puis au bout de 3 semaines, c'est long, il décide de reprendre, de lever l'ancre, et de reprendre sa route vers le sud, ouest. Et ça, c'est important parce que cette direction de côte laisse présager un passage, un petit peu comme en Afrique. Et là, pendant des semaines, il va descendre en explorant toutes les baies pour voir s'il n'y a pas un passage vers le détroit. Et il va devoir s'arrêter par 49 degrés 30 sud dans le port de San Julián pour hiberner, pour hiverner, pardon, et il n'a toujours pas trouvé le détroit, pourtant qui n'est qu'à quelques degrés maintenant, presque à sa portée, mais ça il ne le savait pas. Romain Bertrand, c'est là aussi que les premières mutineries éclatent, comment Magellan essaie de contenir ça ? De la manière la plus ferme et autoritaire qui soit, c'est-à-dire en réprimant très durement la mutinerie, en faisant subir à un certain nombre des mutins le supplice de l'estrapade, mais sans aller jusqu'à les abîmer physiquement, puisqu'il a besoin désespérément pour la poursuite de l'expédition de tous les bras et de toutes les mains disponibles. Mais en tout cas, deux des chefs de la mutinerie, l'un sera tué d'ailleurs par le prévôt de bord, et puis deux autres seront abandonnés sur une plage. C'est un scénario de Pirates des Caraïbes avec un petit baril de vin et un peu de biscuits, le biscocho, le pain recuit qui était la denrée des expéditions au long cours. Voilà, mais il réagit comme tout capitaine réagit dans ces situations-là. Enfin, il n'y a pas de cruauté particulière dans cette histoire. Alors, on continue ce voyage. Malheureusement, on n'a qu'une heure pour raconter cette légende-là. On va continuer à descendre. On arrive dans une terre encore inconnue, qu'on n'appelle pas encore la Terre de Feu. Et c'est à ce moment-là que Antonio Pigafetta et Magellan et ses hommes font la rencontre des géants Patagons. Quand il fut devant nous, il commença à s'étonner et à avoir peur, et levait un doigt contre moi, croyant que nous venions du ciel. Et il était tant grand que le plus grand de nous ne lui venait qu'à la ceinture, combien il était de bonne disposition. Il avait un très grand visage, peint de rouge à l'entour, et ses yeux aussi étaient peints de jaune par autour, et au milieu des joues, il avait deux cœurs peints. Il n'avait guère de cheveux à la tête, et ils étaient peints de blanc. Quand il fut amené au capitaine, il était vêtu d'une peau de certaines bêtes, laquelle peau était cousue bien subtilement. Et cette bête a la tête et les oreilles grandes comme une mule, le col et le corps de la façon d'un chameau, les jambes de cerf, la queue comme celle d'un cheval, et il hennit ainsi qu'un cheval. Et il y a grande quantité de ces bêtes en ce dit lieu. Ce géant avait ses pieds couverts de cette peau de ladite bête en forme de soulier. Il portait à la main un arc court et gros, dont la corde grosse, un peu plus que celle d'un luth, était faite du boyau de ladite bête, avec une trousse de flèches de canne. Voilà pour cet extrait du journal d'Antonio Pigafetta, lu par Vincent Grasse. Une réaction, Michel Chandaigne, à ce texte que vous connaissez bien puisque vous l'avez édité. Et je crois que vous souhaitiez également réagir aux propos de Romain Bertrand, avant cet archive. Oui, on ne peut pas rester trop longtemps sur la mutinerie qui a eu lieu début avril à Saint-Julien, mais il faut dire quand même que Juan de Cartagena, le capitaine général en second, qui va être l'âme du complot, a été mis au fer depuis 6 mois, depuis fin octobre, parce qu'il a refusé de saluer Magellan, comme on doit le faire traditionnellement chaque soir depuis un bateau. Il est mis au fer. Donc c'est pour vous dire que les 6 de fin octobre à début avril, le principal espagnol est au fer, et ça gronde. Et ça gronde très fort. Et évidemment, la mutinerie va éclater dans le port de Saint-Julien. Magellan ne doit son salut finalement qu'à un coup d'éclat du capitaine d'armes, qui est un espagnol, Gomez de Espinosa, qui pour moi est un des plus grands héros de cette histoire, mais qui est très méconnu, et qui va faire le tour du monde. Et l'ambiance est très très lourde sur ces bateaux depuis longtemps. Voilà. À tel point que parmi les bateaux que Magellan envoie dans ce dédale maritime qui constitue le sud de l'Amérique latine, il y en a un qui s'en va, un qui déserte, et Magellan pendant ce temps-là attend. Finalement, sur ces deux bateaux, il y en a quand même un qui va découvrir le fameux passage, qui découvre le détroit de Magellan. C'est pas Magellan lui-même, Romain Bertrand. Non, ce sont des marins qui sont envoyés en expédition, en reconnaissance. Mais il faudrait revenir tout de même un tout petit peu rapidement sur l'histoire des géants Patagons, puisque là, l'extrait que nous avons entendu laisserait penser que c'est une paisible curiosité ethnographique qui s'est exercée à leur endroit. Or, à compter de cette rencontre avec ces hommes, dont l'on sait aujourd'hui par les travaux d'ethno-histoire d'ethno-linguistique, que c'était en fait des populations nomades, les Indiens de Tehuelche. Eh bien, à partir de ce moment-là, en fait, l'expédition va laisser derrière elle, on pourrait dire, un sillage de sang, c'est-à-dire elle va être constamment émaillée d'incidents extrêmement violents, puisque un certain nombre de ces Indiens de Tehuelche vont être littéralement capturés, enlevés, arrachés à leur patrie et à leur famille par les Espagnols. L'un d'entre eux, d'ailleurs, que les Espagnols baptiseront Paul peu avant son décès, se laissera mourir de faim et de chagrin à bord des vaisseaux. Voilà, donc ça c'est tout de même la première rencontre, on pourrait dire, sanglante de l'expédition avec les populations locales. Et à partir de là, effectivement, les incidents seront réguliers. Oui, massacres et plus tard viols également. Alors, on a découvert ce détroit de Magellan. Pendant ce temps-là, je crois que Magellan attendait. Cette phase d'attente a eu son importance pour la traversée du Pacifique dont on va parler dans un instant. Oui, mais alors ça, c'est à Michel Chandaigne qu'il faut demander de vous raconter la célèbre histoire du céleri sauvage. Michel Chandaigne, le céleri sauvage et Magellan, ça fait un petit peu Camoulox comme ça, mais c'est à vous. Oui, ben le détroit, ils abordent devant le... Allô ? Oui, on vous entend. Pardon. Ils abordent devant le détroit et Magellan lance les bateaux découvrir deux navires toujours. Ils sont quatre navires à ce moment-là, sur les cinq du départ. Il en envoie toujours deux devant et une première partie de ce fameux détroit est découvert. Il y a une partie après qui est beaucoup plus nord-sud, qui eux-mêmes, ils avancent. Et tout en bas, il semble vraiment que ce détroit s'ouvre vers la mer. Et c'est le moment choisi pour un des navires, le San Antonio, de déserter. Le San Antonio, c'est pas rien, c'est un des plus gros navires de la flotte. Il y a 57 hommes à bord, beaucoup de vivres, des canons. Et c'est le pilote Esteban Gomez, c'est un Portugais qui va trahir cette fois-ci, c'est pas du tout un Espagnol, qui va prendre le pouvoir et qui va prendre les commandes de ce navire avec Geronimo Guerra et repartir pour Séville. À ce moment-là, Esteban Gomez sait que le détroit est découvert, ils sont au milieu du détroit, et il veut retourner à Séville, il est sûr que l'expédition de Magellan va à sa perte, et qu'ils n'ont pas assez de vivres, etc. Il veut revenir à Séville, tirer la gloire de cette découverte, et qu'on lui confie une grande flotte pour aller cette fois-ci aux Moluques. Et restez avec nous, parce que justement, dans un instant, on va poursuivre dans un instant ce périple de l'expédition de Magellan, et on va entamer la traversée de ce qu'on appelle encore la mer du Sud. Quand on a fait le tour du monde, on n'a plus qu'à recommencer. Fallait pas entrer dans la ronde, il ne fallait pas commencer. Car lorsqu'on fait le tour du monde, on a toujours peur d'oublier un petit coin de map monde et de toujours le regretter. Si c'était comme dans les chansons, une tendre amie m'attendrait sans cesse. J'en ai trois ou quatre, mais passons, puisque j'ai perdu leur nom, leur adresse. Lorsque je reviens chaque fois, je fais un tour ou deux ou trois, et puis je dis salut Paris, moi je m'en vais pour mieux rêver de toi. Quand on a fait le tour du monde, on n'a plus qu'à recommencer. Fallait pas entrer dans la ronde, il ne fallait pas commencer. Car lorsqu'on fait le tour du monde, on a toujours peur d'oublier un petit coin de map monde et de toujours le regretter. Mais quand on a fait mille chansons sans une ombre amie pour prêter l'oreille, lorsqu'on a sillonné l'horizon en se partageant tout seul des merveilles, on voudrait bien qu'au fond de soi dorme une image à qui parfois on puisse offrir tous ses délires, ainsi lui dire j'ai tant besoin de toi. Quand on a fait le tour du monde. Tour du monde par Pierre Barou à 16h38 dans Eureka sur France Culture. Nous réalisons ensemble aujourd'hui un tour du monde et nous vous racontons l'histoire de l'expédition de Magellan en compagnie de Romain Bertrand, historien spécialiste de l'Asie du Sud-Est, directeur de recherche à Sciences Po et auteur aux éditions Verdier de Qui a fait le tour de quoi, l'affaire Magellan. Nous sommes également en ligne avec Michel Chandaigne, éditeur, fondateur de la librairie portugaise à Paris et spécialiste de l'histoire de Magellan. Alors Alors voilà, nous y sommes, Magellan et son équipage sont aux portes de l'océan, qui n'a pas encore d'autre nom que Mer du Sud, Romain Bertrand. Magellan va lui donner ce nom de Pacifique, c'est un nom malheureusement pour les marins adapté à cette expédition. Oui, alors Pacifique, pourquoi ? Pour le malheur de la navigation, puisqu'en fait c'est un océan qui l'est beaucoup trop. Pacifique, c'est-à-dire que on peut y attendre des jours entiers les vents porteurs, il faut parfois louvoyer et donc en fait c'est on l'appelle Pacifique parce qu'on met beaucoup trop longtemps à le traverser, en tout cas au goût de Magellan. Et puis au sortir donc de cette traversée qui d'ailleurs a coûté très très peu de vie aux équipages grâce à ce fameux céleri sauvage cueilli avant la traversée et qui aurait constitué un apport suffisant en vitamine C pour éviter de basculer au bout de plusieurs semaines dans les ravages du scorbut. Eh bien, la première escale au sortir du Pacifique, c'est sur l'île de Guam, où d'ailleurs se produit à nouveau un incident qui relève du massacre. Et puis, pour aller un peu vite, puisque je sais qu'il faut quand même aller jusqu'au terme de l'expédition. On a une heure pour faire le tour du monde, c'est compliqué. C'est enfin l'arrivée aux Philippines, donc dans la partie orientale de l'archipel philippin, c'est-à-dire l'arrivée en Asie proprement dite. Et là, on pourrait dire que le ton de l'histoire change. C'est-à-dire que jusque-là, eh bien, indien Tupinamba, indien Tehuelche, insulaire de Guam, il était possible pour les Européens, Espagnols, Portugais, pour le chroniqueur Antonio Pigafetta, de considérer que c'était l'Europe, grande dame toute de civilisation parée, qui s'avançait en direction de peuplades, de tribus, bref, de tout un ensemble de sociétés beaucoup moins développées que les sociétés européennes, et donc de tenir d'une certaine manière un discours ou d'avoir un regard relativement condescendant sur ces sociétés. Et à l'arrivée en Asie, évidemment, tout cela va voler en éclats, puisqu'il pénètre déjà aux Philippines, dans un monde qui est de très longue date structuré par sa relation avec le reste du monde, les Philippines centrales, l'île de Cebu, où vont finalement en avril 1521 eh bien faire escale les navires de l'expédition, est relié de très longue date, non seulement à la Chine impériale, mais également au trafic de l'océan Indien à travers le réseau des comptoirs malais. Donc au bout du monde, pourrait-on dire, eh bien il n'y a pas l'inconnu qui attendait l'Europe pour entrer dans l'histoire, il y a au contraire des sociétés qui vivaient paisiblement leur vie historique propre, et qui sont d'une sophistication très largement supérieure à ce à quoi s'attendaient probablement les membres de l'expédition. Michel Chandaigne, quand on s'intéresse un petit peu à la figure de Magellan, on a l'impression qu'à partir du moment où il arrive aux Philippines, c'est un peu le moment où il commence à faire erreur sur erreur. Pourquoi ça ? C'est-à-dire, l'hypothèse de Magellan, c'était que les Moluques soient dans la partie espagnole du monde. Et quand il arrive aux Philippines, il y a le journal d'Albo, qui est un document trouvé très tardivement, mais qui laisse penser qu'ils ont dépassé les 180 degrés depuis le méridien de Tordesillas et qu'ils sont en train de pénétrer dans la partie portugaise du monde. Alors c'est une hypothèse pour expliquer un peu le comportement de Magellan à ce moment-là, qui au lieu d'aller droit aux Moluques, il sait très bien que c'est sur l'équateur, il n'y a aucun problème, passe 40 jours à errer d'île en île, essayer de créer des liens avec des rois locaux. Bon, il y a plusieurs hypothèses pour cette attitude, la nécessité de négocier des contrats pour le roi et surtout pour lui, mais aussi peut-être qu'il s'est rendu compte que le but de son expédition, les préalables de son expédition sont faux et tout est raté. Mais si vous me permettez de dire un mot, c'est du Pacifique, parce que j'ai pas pu expliquer le céleri, mais on a peut-être eu le temps, mais c'est vrai qu'on a toujours dit, Zweig, tous les écrivains, les historiens, que cette première traversée a été une hécatombe. Et Romain Bertrand a raison de dire, non, il y a eu très très peu de morts. Pigafetta a des 19 morts sur les 166 qui sont partis du détroit. Malgré des conditions qui sont quand même très dures. Très dures. Mais en plus, quand on fait le décompte des morts, on a la liste des morts, il n'y a eu que 9 morts dans cette traversée, pas 19. 19, c'est jusqu'aux Philippines. Mais cette traversée jusqu'à l'île de Guam, 105 jours, c'est 9 morts. Et ça, c'est une des grandes énigmes, je crois, qu'on a résolues, c'est que cette désertion, je reviens tout petit peu en arrière, du San Antonio, qui aurait dû provoquer le désastre de l'expédition de Magellan, l'a sauvé. Pourquoi ? Parce que Magellan a attendu 15 jours dans le détroit que ce bateau revienne, il envoie la Victoria le chercher, La Victoria revient au bout d'une semaine, pas de bateau. Ils décident de lever l'ancre. Et pendant ces 15 jours, les marins se sont gorgés de céleri sauvage qui pousse là en abondance. Et on en fait des conserves dans du vinaigre. Ça va les protéger contre le scorbut. Et ça va être la traversée la moins mortifère de tout le XVIe siècle. Traversée la moins mortifère de tout le XVIe siècle. Michel Chandaigne, on est obligé d'avancer un petit peu. On revient dans l'archipel philippin et on va parler de mort et de la mort de Magellan. Se dessine alors pour Magellan cette courbe brutale du destin, cette fin misérable conçue dans l'aveuglement du pouvoir temporel et spirituel qu'il s'est donné au nom de cette cause généreuse. Magellan décide d'aller lui-même mettre à la raison ses dissidences. Avec une poignée d'hommes cuirassés, escortés par deux chaloupes sur lesquelles des canons sont placés. Il eût suivi les conseils de ses capitaines que l'appui de la flotte aurait transformé en déroute la révolte de l'île. Magellan est aveuglé. Il lui semble être désigné pour accomplir seul cette mission. Bientôt, parvenu près de la plage où les indigènes sont assemblés en grand nombre, il veut aborder, mais le ressac le leur interdit. Ils doivent se mettre dans l'eau et les vagues jusqu'à mi-corps et avancer lourdement chargés de leurs cuirasses. Les chaloupes restent au large, hors de portée de la plage, où les indigènes, face à ces hommes si visiblement empêchés qui pataugent, les attaquent. Les soldats tombent sous les coups les moins bien assénés, comme de gros insectes maladroits, et c'est la curée. Magellan se bat, mais il est submergé, percé de coups de lance. Son cadavre roule dans les dernières lames. Les chaloupes s'éloignent du carnage, regagnent Cebu, annoncent la tragique nouvelle. L'invincible, le protecteur, a été défait par des hommes presque nus, armés de lances et de bâtons. Voilà, Robin Bertrand, la dernière erreur de Magellan lui est fatale. Pourquoi est-ce qu'il a fait cette erreur? Qu'est-ce qu'il a cherché à prouver? Et il meurt sans faire le tour du monde. Oui. Alors comme disait, c'est ce que disait en fait Michel Chandaigne, ça c'est l'hypothèse du héros tragique. Non pas le héros jusqu'à la fin, flamboyant, habité par une certitude inébranlable, mais celui qui sait que très probablement son rêve ne pourra pas s'exaucer, qu'il a déjà pénétré ou qu'il va pénétrer dans la démarcation des Portugais et que donc les îles aux épices n'appartiendront pas au roi d'Espagne, qu'il n'obtiendra pas de ce dernier l'ensemble des faveurs qu'il espérait. Et c'est l'homme qui boit jusqu'à la lie, on pourrait dire, le vin amer de ses rêves brisés. Voilà. Ce qui est intéressant, alors petit point simplement, alors là c'est évidemment affronté à des sauvages à demi nus, on vient d'entendre ça, alors probablement pas du tout, c'était des guerriers professionnels armés de javelines qui étaient des armes remarquablement efficaces, des armes de jet, protégées par probablement de grands boucliers de bois, voilà, donc c'est pas non plus, sont pas des sauvages en pagne et je ne sais pas moi lançant des petits cailloux sur des conquistadors. Et d'autre part, l'erreur stratégique de Magellan, ça n'est pas seulement d'avoir voulu débarquer, alors c'est difficile de débarquer dans un lagon puisque Mactan est un petit îlot sein d'un lagon, mais c'est de ne pas avoir pu bénéficier d'un tir de barrage. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, d'abord, le capitaine n'allait jamais avec ses troupes prendre part aux assauts, et puis surtout, bon, on alignait les navires et puis on bombardait les villages côtiers avant d'y pénétrer. Mais le lagon fait que les navires n'ont pas pu pénétrer et être à portée de tir, et la véritable erreur stratégique, elle est là. Ce qui est intéressant dans ce premier tour du monde, c'est que donc ni Magellan ni la cour d'Espagne n'avaient la volonté de réaliser ce tour du monde. Magellan lui-même, qui est le héros de cette légende, n'a pas réalisé le tour du monde. Alors qui est le premier homme, pour le coup, à avoir réalisé le tour du monde, Romain Bertrand? Là, on va parler d'un personnage qu'on n'a pas encore évoqué. Oui, alors il y a plusieurs hypothèses pour savoir qui le premier à réaliser le premier tour du monde par voie maritime. Il y a l'hypothèse évidemment de Sébastien Elcano, qui n'est pas devenu commandant général de l'expédition après passer la mort de Magellan, mais qui en tout cas fait partie de ceux qui ont ramené à bon port la Victoria. Ils étaient 18 Européens d'ailleurs, il n'y avait pas qu'Elcano, hein. Il y avait Bustamante, il y avait par définition Pigafetta. Donc ces 18 Européens pourraient être les premiers. Il y a une autre autre hypothèse. Il y a une hypothèse qui est avancée dès la fin du 19e siècle, qui est reprise par Stefan Zweig dans la biographie qu'il consacre à Magellan en 1938, et qui est celle de l'esclave malais de Magellan, qui s'appelait, en tout cas que Magellan avait fait baptiser, du prénom d'Enrique, qu'il avait récupéré dans les décombres fumants de la ville de Malacca, à la conquête de laquelle il avait participé en 1511, qu'il avait ramené avec lui au Portugal. Enrique l'avait suivi à Azemmour, et puis avait embarqué avec lui en 1519. Et, bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de ce qui se joue ou se trame sur l'île de Cebu, mais passé la mort de Magellan, eh bien, le roi de l'île, le Raja Umabon, décide d'organiser un grand banquet en l'honneur des Espagnols, peut-être tout simplement pour reprendre langue avec eux, sachant qu'il s'agit maintenant de savoir qui est à leur tête. Et le banquet se termine tragiquement, donc c'est les noces pourpres dans Game of Thrones, puisque là, on a plus d'une vingtaine de personnages qui disparaissent d'un coup de l'histoire. Et dans cet événement tragique, eh bien, Enrique disparaît. A-t-il été tué? Est-il resté à Cebu? A-t-il pris du service avec le roi local? Ou bien est-il rentré chez lui? Enrique, qui était né à Malacca, parlait malais, c'est ce qui a permis à Magellan d'entrer en relation avec les populations insulaires des Philippines, et il parlait le malais, qui était la lingua franca des échanges commerciaux de l'océan Indien jusqu'aux Philippines. Il a donc très bien pu, s'il le souhaitait, eh bien regagner la péninsule malaise, auquel cas il l'aurait fait en moins de temps qu'il n'en a fallu à Elcano et à la Victoria pour rallier Sanlúcar de Barrameda, et il aurait été le premier. Alors, l'intérêt, c'est pas de savoir si c'est vrai ou pas, puisque nous ne le saurons jamais, probablement. Mais c'est de voir que cette hypothèse qui est présentée est relativement admise comme une hypothèse parmi d'autres, mais plausible, dans les années 1880-1930, l'est de moins en moins dans les années 1950, 1960, 1970, et revient en force dans les années 90, puisque Enrique a aujourd'hui, eh bien, sa statue, sa salle dédiée à Singapour, c'est un héros national aux Philippines, et donc le véritable héros de l'histoire en Asie, ça n'est pas Magellan, ça n'est pas Elcano, mais c'est bel et bien Enrique. Voilà, et donc il y a cette éclipse du personnage à une époque où aussi bien l'Espagne franquiste que le Portugal salazariste, eh bien, avaient du mal à concevoir, au regard de leur idéologie, qui restait une idéologie providentialiste chrétienne, que le premier homme à avoir fait le tour du monde ait pu être eh bien, un malais musulman, au teint particulièrement mat. Michel Chandaigne, après la mort du chef Magellan, après ce banquet sanglant de Cebu, s'ensuivent ce que Romain Bertrand qualifie dans son livre de 9 mois d'errance hallucinée. Où cherchent à aller les Espagnols et cherchent-ils à regagner l'Espagne au plus vite? Non, parce qu'ils vont se diriger vers le nord, ils vont faire une longue escale au sultanat de Brunei, qui est un des plus riches royaumes de la région, c'est pas par hasard. Encore une fois, ils doivent rembarquer précipitamment, ils échappent de peu au massacre. Et après, ils vont errer sur les mers en descendant tout doucement vers les Moluques, qui sont quand même le but de leur voyage, en se livrant à des viols, à des actes de piraterie, d'ailleurs. Et ils vont arriver aux Moluques, ils vont charger les 2 navires restants de Girofle et Gomes de Espinosa, qui à ce moment-là le commandant général de la flotte, décide que son bateau va revenir par le Pacifique. Bon, c'est ce qu'il va faire, il va échouer, mais pour se donner toutes les chances, on va renvoyer la Victoria, qui est commandée par Elcano, par la voie portugaise, par l'océan Indien, mais en prenant une route très très au sud pour éviter les navires portugais. Et c'est ainsi que ce voyage de Magellan, qui n'était pas prévu, où il n'était pas prévu de faire le tour du monde, bah, va aboutir à un tour du monde, qui est celui du retour de la Victoria d'Elcano. Si on fait un peu un jeu des 7 différences, Romain Bertrand, le 6 septembre 1522, donc l'expédition revient entre le départ en 1519 et ce jour de septembre 1522, à quoi ça ressemble les différences? Ah bah, la différence, c'est déjà 200 vies en moins, ce qui n'est pas rien. Un navire qui rentre. Voilà, un navire qui rentre, une vente des épices qui ont été péniblement achetées sur place, qui ne couvrira pas l'ensemble des frais de l'expédition. Un voyage qui ne finit pas avec le retour de la Victoria, puisque pendant des années, eh bien, les veuves, les orphelins, c'est-à-dire l'ensemble des membres, des parentèles, des marins décédés, vont ester en justice auprès de la cour pour demander paiement des arriérés de gages de ces hommes morts en mer ou dans les différents combats au fil de l'expédition. Et surtout, c'est pour ça que c'est une histoire tragiquement belle. Et aussi infiniment triste, la découverte du détroit de Magellan. Parce que quelques années après que Magellan l'ait découvert, eh bien, ce détroit n'a plus strictement aucune importance commerciale ou politique, puisque Hernán Cortés a marché sur Mexico, qu'il conquiert en 1521, et dès 1522, 1523, eh bien, Cortés envoie, en fait, ses hommes vers l'ouest. Il sait que la mer du Sud, le Pacifique, est là, que l'Asie est au bout de cette mer, et très rapidement, eh bien, un port sera établi dans la région de Colima, sur la côte occidentale du Mexique, et il sera beaucoup plus efficace eh bien, de faire Séville, côte orientale du Mexique, traverser avec étape à Mexico, et ensuite côte occidentale du Mexique pour aller aux Philippines. Donc en fait, la conquête du Mexique rend totalement, ne fait que ça n'a plus véritablement de prix que de refaire en fait cette traversée du détroit. Et la mémoire de Magellan, d'ailleurs, bon, qui apparaît, le récit de Magellan, en tout cas le récit de Pigafetta, dans des chroniques, des anthologies de la fin du XVIe siècle, va quand même être très éclipsé au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et comme souvent, son histoire revient en grâce au XIXe siècle, parce que les grandes découvertes sont avant tout une histoire du XIXe siècle. Voilà, de ce que l'on fait de ces personnages-là au XIXe siècle, pour des raisons d'orgueil européen ou de gloriole nationaliste. Michel Chandaigne, une dernière réaction, puisque l'émission touche bientôt à son but. Oui, sur les survivants, parce qu'on lit toujours ce chiffre, 18 survivants sur les 240 membres d'équipage, mais c'est pas ça du tout, hein, parce qu'il y a 18, en effet, qui reviennent à Séville, mais il y en a 12 qui étaient prisonniers au Cap-Vert, qui vont arriver quelques semaines plus tard. Donc il y a eu 30 Européens qui ont fait le tour du monde sur la Victoria, dont un Français, Richard de Normandie, qui est né à Évreux, s'appelle Richard de Faudis, et qui est charpentier. Et il y a aussi le bateau qui a déserté, que l'on oublie, et il y a 55 survivants de ce côté-là. Et puis il y a 5 qui vont être faits prisonniers sur la Trinidad, dont Gomes de Espinosa, qui vont revenir 4 ans plus tard. Donc en tout, il y aura 35 personnes qui vont faire le tour du monde, plus 55 survivants du navire qui a déserté. Donc ça fait 90 survivants, ce qui est beaucoup finalement, beaucoup plus que ce que l'imaginaire, que le chiffre de 18 que tout le monde a retenu. Romain Bertrand, on a vraiment 50 secondes. De quoi cette légende de l'expédition de Magellan est-elle le symbole? Et comment on explique une telle postérité alors qu'immédiatement après leur retour, finalement, ces gens n'ont pas été accueillis en héros? Parce qu'à nouveau, les grandes découvertes sont une invention du 19e siècle. Et elles sont l'une des pierres d'angle, des pierres d'été du mythe de l'entrée de l'Europe dans la modernité. Comme si les grandes découvertes avaient été la série d'exploits qui nous avait fait quitter les obscurités médiévales pour nous projeter dans la Renaissance, la modernité, l'expansion européenne dans le monde. Et comme si, d'une certaine manière, un fil rouge reliait ces premières rencontres sanglantes du XVIe siècle à l'établissement des grands domaines coloniaux à la fin du XIXe siècle. Et donc, ça veut dire que c'est un peu, finalement, notre légende des origines. Voilà, l'histoire que nous sommes racontés. Le problème étant qu'aujourd'hui, eh bien, on ne peut plus raconter exactement de la même manière cette histoire, puisque le « nous » qu'elle dessinait, le « nous » des grands découvreurs, c'est-à-dire des grands personnages, qui étaient tout de même essentiellement des hommes hétérosexuels, à peau blanche, chrétiens, etc., eh bien c'est un « nous » qui ne nous ressemble plus, qui ne nous a peut-être jamais ressemblé. Donc on pourrait peut-être continuer à la raconter, mais en laissant monter à nouveau à bord de la barque du récit des personnages comme Enrique, l'esclave malais, ou d'autres. Mais écoutez, on va continuer en tout cas ce travail d'histoire. Merci beaucoup à tous les deux, Romain Bertrand, Michel Chandaigne, d'être venus nous raconter cette passionnante histoire autour du monde. Je rappelle le titre de votre livre, Romain Bertrand, qui a fait le tour de quoi, l'affaire Magellan, c'est aux éditions Verdier. Et Michel Chandaigne, on peut lire aux éditions Michel Chandaigne, le voyage de Magellan, la relation d'Antonio Pigafetta du premier voyage autour du monde. Et pour terminer cette émission, on se quitte sans parole, mais en musique, avec un titre adapté, Magellan par Felt. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Mundenstock, Antonin Amberger, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique aujourd'hui Ludovic Auger. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Demain, dans Eureka, nous chasserons la vague et l'éternel été et nous vous raconterons l'histoire de l'invention du surf. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. France Culture. L'esprit d'ouverture.